À deux, on faisait la pierre, on a commencé nos locks ensemble. On disait qu'il y avait pire, qu'on pouvait pas pleurer sur notre sort. Si tu ligotais ma peur, le manque d'argent a noirci mon cœur. Si tu veux, bah tu le peux, y'a que les faibles qui arrivent à se rendre. Midi pile, c'est le coup d'envoi. 18h, c'est la mi-temps. Nouveau guetteur, nouvelle recharge. Après 20h, les keufs de nuit débarquent. Sa mère, c'est Dieu qui veut, c'est pas ma faute. Tu es obligé de me lever tôt et de reposer toutes les 12 heures. Depuis que le terrain tourne, comment tu veux que je pense à autre chose? Transaction à se vendre, la moula compte des billets verts. Si j'en récupère le carré VIP et rempli de fiches. Je crois que j'ai percé, je crois que j'ai percé. Je baisse des darons, dis du zippy. J'ai pas encore trinqué, j'ai pas encore réussi. Encore 5 ou 6 millions, je prends tout, je m'arrache d'ici. Elle veut passer le DR, venez, je suis dans le bénéfice, j'encaisse les billets. Roro, platine, million de vues, on changera pas. J'suis dans le bus, j'ai laissé place à Rosa Parks. 12 coups, j'te parle pas de l'heure. 12 grammes, j'ai parlé à l'heure. J'suis broliqué, j'suis en au portier. J'ai fleuri parmi les orties. Évidemment que j'ai la main verte. C'est qu'il de bus, j'ai fait partir. Elle veut une histoire romantique. J'voulais que la prendre dans le rein. Audemars Piguet, avion, je regarde par le hublot. J'ai pas quitté la zone, mon bras n'est pas plus beau. S.E. Evry dans le bâtiment, Evry Day. Mon jeu te chimoula, pas besoin d'être. Ils sont mauvais, ils veulent ma mort, ils font pas peur, c'est des salopes. Je les fais danser, taper, je sors de l'oracle, je donne à ma mère. Ma Celia ne tient pas en poche, mais ma S ne roule pas en Porsche. J'suis débranché, j'ai plus mon Fantel. Aux arrivants loin de mes proches. J'suis le terrain de matin. J'suis le terrain de matin. J'passe les beaux sur du matin.